Jacques, je l'ai vu il y a 2 jours. J'ai rencontré Marie il y a 5 minutes. Le cours a commencé il y a 10 minutes. Cela s'est passé il y a 2 jours. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans. C'était son anniversaire il y a 2 jours. Il y a 3 jours qu'ils sont arrivés. Il y a 20 ans qu'elle est partie en France. Il y a 10 ans que nous vivons ensemble.